and gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planète Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. We are as Boston. Yeah, let's see. Nord au sud, est en ouest, ouais. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU Fort Collins. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, prenez vos instruments maintenant. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Planète Indie. Nous sommes ensemble comme chaque premier samedi du mois, entre 17h et 18h30 sur les ondes de RGL 96.6 FM. Nous sommes aussi diffusés en DAB+, nous sommes diffusés par le câble télédistribution, nous sommes diffusés via internet, donc vous pouvez nous écouter de partout et on est bien très heureux d'être là pour vous comme chaque mois pour vous faire découvrir pendant une heure et demie le meilleur de la musique indépendante, le meilleur de la musique alternative. Et aujourd'hui, nous en sommes déjà au 435e épisode de Planète Indie. Alors au programme de cette fin d'après-midi, eh bien beaucoup de musique évidemment, de la musique que vous n'entendrez nulle part ailleurs, ou en tout cas si vous l'entendez ailleurs, c'est qu'elle est passée ici avant. Nous irons faire un tour sur l'agenda des manifestations culturelles chez nos partenaires Rocal, Neumünster et Culture Fabrique. Et puis on aura aussi notre capsule BD comme chaque mois. Eh bien je vous propose de commencer tout de suite en musique avec une sacrée nouveauté qu'on était dégoûté pour vous. Le groupe a un nom un peu à rallonge, il s'appelle The Beautiful Art of Decay. Ils viennent de sortir un EP 4 titres. Eh bien, je vous propose d'en écouter la plage d'ouverture. Elle s'appelle Americans. Pourtant, eux ne le sont pas. Ils sont suédois, si je ne m'abuse. Je vous rappelle leur nom. The Beautiful Art of Decay, c'est extrait d'un EP 4 titres qui s'appelle Sons of a Promise. Sons of a Promising Future. Et on écoute le morceau Americans pour commencer bien ce numéro 435 de Planète Indie. An American. One, two, three, four. Americans, natural born. Americans, Oliver Stone. Americans, bad to the bone. Americans. Oh, Americans, whatever you say. Americans, it's coming their way. So easy if I was. American, an American, American. Americans, fortune and fame, Americans, there ain't no shame in Americans, always game. American, Americans, oh, they come in all shapes. Americans, there ain't no escape from Americans. Make no mistake, Americans. Americans, Americans, Americans, Americans, Americans. Voilà, j'espère que vous avez aimé. C'était donc Americans par ce fameux groupe qu'on vient de découvrir. Je vous rappelle leur nom, hein, ils s'appellent Sounds of a Promising Future et cet extrait d'un EP 4 titres intitulé c'est le nom de l'EP Sounds of a Promising Future et le groupe c'est The Beautiful Art of Decay. Alors, si tout va bien, on va lancer le morceau suivant, mais il ne va pas démarrer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va trouver une autre solution. On va pas opter directement pour, si vous le voulez bien, la programmation de nos amis de la Recale. Une fois n'est pas coutume pour commencer. entrer rapidement dans le vif du sujet. Alors, 19 du 10, c'est pas tout de suite, mais c'est bientôt. Il y a le concert normalement de Soft Machine qui est toujours annoncé. 19 du 10 donc. Le concert du 21, le concert du groupe Les Orgues de Barbac, celui-là, il est annulé. Ensuite, vous avez le 23 octobre, c'est les ateliers pour les enfants. Ça s'appelle Loop Station, Workshop for Kids. Alors, vous avez vous avez deux séances, une pour les 5-8 ans et une autre pour les 9-12 ans. Ça se passe donc le 23 octobre. Ensuite, vous avez le 24, il y a aussi deux séances, une à 16h30 et une à 20h. C'est le European Outdoor Film Tour 2021. Je ne sais pas trop vous en dire de plus. 27 octobre, la venue de Salvador Sobral, c'est aussi organisé par la Rocale donc, et c'est toujours maintenu. Ensuite vous avez le 29, c'est la venue de Oshi j'ai pas le nom de la première partie, je sais même pas s'il y en a une. En tout cas, c'est organisé par la Rocale avec Live Europe Supporting Upcoming European Musical Talent, donc pour encourager les jeunes talents européens émergents. 30 octobre, Night of Queen avec le groupe de Bohemians. Donc c'est un best-of, un cover du fameux groupe Queen. Et puis le 31 octobre, vous avez Lord of the Ring concert et The Music of Hans Zimmer. Tout ça donc le 31 octobre. Ensuite, ça nous amène au 2 novembre. C'est une conférence sur la production musicale pour les jeunes. Voilà donc le programme de nos confrères de la Rocale. Donc maintenant, on devrait avoir résolu le problème du lancement du morceau suivant. Alors je vous donne son nom, il s'appelle Mark Rogers, Every Once in a While. Allez, tout de suite, c'est parti. what he wanted every once in a while. Who can tell you when dreams arrive? Once in a lifetime, once in a blue summer moon. All the little pieces unintentionally fit together every now and then. Je m'appelle Casey Batterby de Blue Eyed Sun et vous écoutez Planet Indie. My name is Josh from Stone Diamond. You're listening to Planet Indie. Hey, this is Dust from Psychopathic Romantics and you're listening to Planet Indie. We'll be right back. Ça déménage pas mal en ce début d'émission avec à l'instant le groupe de Silence Industry, un morceau intitulé Too Long. Je sais pas s'il parlait du morceau lui-même, alors ce serait une belle mise en abîme du concept, puisque ce morceau fait un peu plus de 5 minutes, il fait 5 minutes 10 exactement. Ou alors peut-être qu'il parlait du morceau suivant. C'est une autre nouveauté, puisqu'en ce début d'émission, je pense qu'on vous passe des artistes qu'on ne vous a encore jamais diffusés jusqu'à présent. Le morceau suivant s'appelle New Sierra. C'est sorti chez nos amis de Anemos Records, label allemand du côté de Leipzig, si je ne m'abuse. On les aime bien, ils nous font pas mal découvrir de bonnes choses. Et bien là, c'est New Sierra avec un morceau intitulé Dirty Me. Et puis après, eh bien, il sera temps de vous faire découvrir notre album Powerplay pour cette émission du mois d'octobre de Planet Indie. We'll be right back. me. Your big brass band fight me good. I didn't break up. I don't regret, 'cause I don't remember. I don't regret, 'cause I don't remember anything at all. Voilà, une autre belle nouveauté, le groupe Neue Sierra, ou New Sierra, je ne sais pas trop comment il faut prononcer, puisque à l'allemand on dirait Neue Sierra, et puis bon, on va le prononcer comme ça, Neue Sierra, sorti, bah oui, puisque le label est allemand, il n'y a pas de raison de ne pas prononcer de cette façon, Neue Sierra avec Dirty Me, cet extrait aussi d'un nouvel EP que je n'ai pas encore eu l'occasion d'écouter dans son entièreté, donc ça ne devrait pas tarder. Je vous garantis que probablement on en entendra encore parler dans cette émission dans les mois qui viennent. Pour l'heure, dans les minutes qui viennent, on va écouter un premier extrait de notre powerplay qui est à nouveau, eh bien, ce mois-ci, un duo, et à nouveau, et quelle surprise, un duo tant à la ville que sur la scène ou en studio, c'est selon. Le groupe s'appelle The Smoking Flowers. Il est composé de la paire de Kim et Scott Collins. Kim et Scott Collins, couple qui a consacré toute sa vie à la musique. Je pense qu'on peut, à la lecture de leur biographie, le dire sans trop risquer de se tromper. On n'a malheureusement pas beaucoup d'informations, eh bien, sur la naissance de leur groupe, ni de leur couple d'ailleurs. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de prendre le train en marche et on part du postulat de départ qu'ils se sont rencontrés, ils se connaissent, ils font de la musique et patati patata. Kim jongle entre les percussions, l'accordéon, la guitare acoustique, la mandoline, l'harmonica, le tambourin, et en plus de ça, eh bien, elle nous abreuve de sa voix sensuelle. De son côté, Scott s'amuse avec les guitares, qu'elles soient électriques ou acoustiques, l'harmonica lui aussi un petit peu, et il pousse à l'occasion la chansonnette. Le premier album du groupe, Sweet as Port, a pris son envol en 2009. Il n'était cependant considéré dans leur tête que comme un passe-temps, une activité accessoire à leur performance personnelle séparée dans leur groupe de rock respectif. Voilà, sans plus attendre, eh bien, je vous propose d'écouter un premier échantillon de ce que vous pouvez découvrir sur cet album. Je ne sais pas si... Non, je pense que je ne l'ai pas encore dit. L'album qu'on écoute aujourd'hui s'appelle Let's Die Together et je vous propose d'en écouter donc un premier extrait au titre de Powerplay, et j'ai choisi le morceau Horse Town, oh, One Horse Town. J'ai un peu du mal aujourd'hui, je sais pas si je suis bien réveillé. One Horse Town, et je vais vous mettre aussi cette vidéo sur notre groupe Facebook, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, hein. Vous tapez Planet Indie dans Facebook et puis vous allez directement arriver chez nous, vous faites membre et puis vous pouvez communiquer avec non seulement toute l'équipe de Planet Indie, mais aussi pas mal d'artistes qu'on a eu l'occasion de vous faire découvrir dans cette émission, parce qu'on a aussi beaucoup donc d'artistes qui nous ont fait l'honneur et la grande joie de nous rejoindre sur ce groupe. Voilà, j'en dis pas plus. One Horse Town, Let's Die Together, c'est le nom de titre de l'album par le groupe Smoking Flowers. C'est notre powerplay aujourd'hui dans Planet Indie numéro 435. Powerplay. Powerplay. Vain. there's one horse to have. It's printed in the sand. You fight the urge to win your play. Oh, it has its hold on you as you run away from this one horse town. Il est vraiment super ce morceau One Horse Town par les Smoking Flowers. Cet extrait de notre Power Play, on en écoutera deux autres extraits donc de cet album Let's Die Together d'ici 18h30. One Horse Town, un morceau, eh bien, je pense que Quentin Tarantino apprécierait beaucoup et le mettrait volontiers dans un de ses prochains films. Pour l'heure, on poursuit avec Echo Bloom et le morceau intitulé Wake. Suicide trees just go and purge. Voilà, le groupe s'appelle Echo Bloom. On les écoutait avec un morceau intitulé Wake. Avant de poursuivre avec la programmation musicale, je vous propose d'aller faire un tour chez notre partenaire de la Culture Fabrique pour voir ce qui s'y passe. Et bien ce soir, si vous aimez la musique métal, rendez-vous à 20h pour le concert de Parity. Donc vous avez le temps d'écouter Planet In jusqu'à 18h30, une petite douche, un petit souper en vitesse, et hop, en vitesse, vous allez donc à ce concert de Parity. À 21h, ce sera toujours aujourd'hui Child plus Seed to Tree, c'est dans le cadre de week-end d'ouverture de la Conchtall à Esch. Samedi prochain, eh bien, le fameux festival Out of the Crowd, ce sera la 17e édition et ce sera dès 16h. À 20h30, toujours samedi prochain, le samedi 16 octobre, eh bien, ce sera le spectacle humoristique de Didier Super. Didier Super est bien plus marrant que tous ces comiques de... On peut pas dire ça à l'antenne. Samedi donc 16 octobre à 20h30. Le vendredi 22 octobre à 20h, les Belges de Girls in Hawaii avec en première partie Tardis. C'est vendredi 22. Samedi 23, le jour suivant à 20h, Child X Maz. Le mardi 26 octobre, le concert teaser 33,7, eh bien, c'est un concert dans le cadre de Esch 2022, donc capitale culturelle européenne. Voilà pour le mois d'octobre. Je peux vous annoncer aussi le 5 novembre à 20h, un concert de musique reggae et ska par le groupe de Dislike. Et puis voilà, le 6, jour de notre prochaine émission d'ailleurs, 6 octobre pour l'épisode 436, à 20h, vous aurez le concert de Rome avec en première partie Brian Brody. C'est de la musique dark folk, la musique folk noire comme on pourrait le traduire. Avant de retourner sur notre album Powerplay, eh bien je vous propose, pas encore tout de suite l'album Powerplay, je vous propose d'écouter Rivers of England avec Always on My Mind, et puis le Wolf's Heart Acoustic Trio, et un morceau intitulé Scarborough Fair. Si vous êtes de la même génération que moi, eh bien vous avez compris que c'est notre petite séquence reprise. On va pas l'institutionnaliser, mais bon, aujourd'hui pourquoi pas. Allez, tout de suite, Rivers of England, Always on My Mind. As good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You're always on my mind. You were always on my mind. You were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you these lonely, lonely times, and I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I make you feel second best, girl, I'm sorry I was blind. sweet love hasn't died. Forgive me, please give me one more chance to keep you satisfied. Thank you. avez peut-être reconnu ces deux reprises. À l'instant, Scarborough Fair de Simon et Garfunkel. C'était une reprise par le groupe Wolf's Heart Acoustic Trio, un groupe autrichien. Et avant cela, Always on My Mind, on ne le présente plus, c'était les reprises du King, Elvis Presley. Et là, c'était par le groupe Rivers of England. D'ici quelques minutes, retour sur notre album Powerplay, l'album Let's Die Together de Smoking Flowers, du groupe de Smoking Flowers. Avant cela, on écoute The Search et un morceau intitulé A Replacement. Let me know if the sky is falling. I'll make you happy, not fulfilling your needs. Barely picking up when you are calling. I'll be there, contingency plan. That's the arrangement between us, unspoken since the beginning of time. Well, I'm mostly there if you decide to drop by anytime. Point to replacements until you realize that so many words could ever make up. Don't you know for real connection, for human touch? Distant shores, eternalizing photographs. Sweetheart sharing the thrill of the chase. Push and pull with novel fascination. Why do you seem more lonely than before? Why do you seem more confused than ever? I may not be as exciting, you see, but I'm here and I care for you. For you. Of your moon snow. Come down to the basement, I'll be your cover tonight. Shake off the blues until you finally realize that I love you more than you ever know. Don't you know it for the day? Will you tell me so? We'll be right back. C'est l'un de nos anciens powerplay, le groupe suédois The Search. On les écoutait avec Replacement. Retour sur notre album powerplay d'aujourd'hui, l'album Let's Die Together du duo américain The Smoking Flowers. On s'était arrêté en 2009 avec la sortie de leur premier opus Sweet Asport. Comme on va le voir, la suite des aventures a été un peu plus chaotique. Et en 2011, ils enregistrent pratiquement en une seule prise sur 4 jours le second, qui sera appelé Two Guns. Il s'agit essentiellement d'enregistrement sur scène. Cet album Two Guns apparaît rétrospectivement comme une sorte de prémonition vis-à-vis de la bataille féroce que le couple allait bientôt avoir à livrer. En effet, peu après l'enregistrement et le mixage du disque, Kim s'est vue diagnostiquer une forme très agressive de cancer du sein. Elle a donc consacré les 2 années suivantes à ce combat avec les armes qu'elle avait choisies, à savoir une méthode holistique alternative ainsi qu'un régime à base d'aliments crus et non transformés. Pas de chimiothérapie, pas de rayons, pas d'hormones. Aujourd'hui, elle est en rémission et le couple continue à promouvoir encore et toujours de manière enthousiaste ces techniques alternatives et holistiques de traitement. Du coup, la sortie de l'album Two Guns a été postposée pendant ces 2 années et elle n'a eu lieu qu'en 2013. Je vous propose un second extrait de notre album Let's Die Together. Il s'agit du titre Sunset Missouri par donc le groupe The Smoking Flowers, qui est notre powerplay dans Planet Indie numéro 435 de ce samedi 2 octobre. Comme ça, on est tout à fait complet. Powerplay. Powerplay. What is that look? Oh. I was to town, my skin was pale. Kay Robinson said, son, you must go there. They call it the court, there ain't no judge. The baseline was where the brave ones run. Oh, my true colors, cause all is told. Don't ever go to Sunset, boy. Don't ever go there after dark. In Sunset, Missouri, the snake is the charmer. Now those colors were black and they were red. Broke as a loke, just don't care. We walk through the valley with nothing but love. Using the word schoolie like it was a drug. Little squee growing up, catching the buzz. Don't ever go to Sunset. And don't care about us none. Don't give me none of that Robert folklore junk. Quench was on the corner pressing his luck. I was in the back of Uncle Mike's screen pickup. Bend the clock still, whatever play. I got a devil of my own. Came to me when the sun was shone. We'll be right back. bangs a drum. This life we chose for ourselves, in and out of bars, late nights and cars and empty shows. Always thought you'd be around, you had your sound. Oh, the places I thought we'd go. It's hard on the line, trying to keep in time or getting by. Now I sit and wait. Wait on a song for you. One more song before you go. I can see the day when we share London coffee. Songs rise and they fall. Write to me those you met on your way. Couldn't change if we tried. Feeling alive for so long. Always thought you'd be around. We all had our sound. Some would stay and some would go. It's hard on the line, stealing some time while getting by. Now I sit and wait. Wait on a song for you. One more song before you go. I can see the day when we share London coffee. Songs rise and they fall. Took it all. I don't know what to say, but this is a song for you. One more song for the road. We all have those days when we need a London coffee. Songs rise and they fall. Voilà, c'était un peu plus tranquille ce morceau de Carus Thompson qui nous a invité à prendre une petite tasse de café à Londres, London. Coffee. On va poursuivre avec Mala Aureen et Threshold. Avant cela, je vous fais part aussi de la programmation de l'abbaye de Neumünster. Demain, fameux concert, enfin c'est toujours les concerts apéro de 11h. Demain, sera le concert Inspirit par Claude Chamichian. Dimanche prochain, dimanche 10, Aishinka, de nouveau à 11h. Aishinka est un projet musical né à Bruxelles en 2016, explorant la transmission au travers des chants du monde et du temps. Le 17, le Kuba Vicek Trio. Et puis le 24 octobre, toujours à 11h, on écoutera le quintet de Marly Marquez. Marly Marquez qui est née au Luxembourg, mais d'origine portugaise, comme son nom l'indique très clairement. Ça, c'était pour l'abbaye de Neumünster. Plus d'infos, vous allez sur leur site internet. Il n'y a pas de souci. Vous verrez bien si les concerts sont déjà sold out ou pas. Pour l'heure, donc, comme annoncé, on poursuit nous avec Mala Aureen et le morceau Threshold. Et puis après, ce sera Meadow Creek et Days on the Road. Door finally open, I can see a light shining through. I blink my eyes and I hesitate. Well, that shimmer can't be true. 'Cause my life is just like a building with 1,001 rooms to find. To each of them hallways are leading, and I wonder what lies behind. I'm stepping across the known and unknown shadows, forgiven when I would falter at the threshold. A little stuff and give in to the change in time. Down these halls, fear's making some noise, but when the echo comes around, courage regains its voice. Open door, I walk through the open. Lend a helping hand. Oh, and I will slow down and share with you what I can. Open door, I walk through the open door. Open door, all the space to be explored. Where my heart is free. For Adam, and you're listening to Planet Indie. Hey, this is Sheila from Dalla, and you're listening to Planet Indie. Hi, this is Chris from the band Mr. Hunter, and you're listening to Planet Indie. Wearing different clothes again. David's Davis turning handouts down to keep his pockets clean, saying his goodbyes again. Wheels are in his eyes again. Says if you see Jean now, ask her please to pity me. Downtown in the big town, gonna send you back on your heels with a mouthful of memories, not of stickers for my windshield. Un peu plus de douceur là pour le moment avec Meadow Creek et un morceau intitulé Days on the Road. 18h10, je vous propose de passer à notre capsule BD puisque le temps avance, hein. Et aujourd'hui c'est une BD qui s'appelle Jour de sable par une auteure néerlandaise qui s'appelle Aimé de Jong. Le résumé de l'histoire est celui-ci. Fils d'un célèbre photographe, John Clark désire marcher dans les traces de son père, même si celui-ci ne lui a pas offert une jeunesse pleine de tendresse. Le souci, c'est qu'en cette année 1937, la Grande Dépression fait encore sentir ses effets et qu'il est difficile pour John de trouver un emploi qui comble ses attentes. Lorsque la Farm Security Administration lui propose de partir pour l'Oklahoma, réaliser un reportage photographique afin d'illustrer les ravages provoqués par les nombreuses tempêtes de sable tant sur les hommes que sur les animaux, la nature ou encore l'environnement et l'économie, il saute sur l'occasion, qu'il considère comme une chance de se faire un nom. John se met en route avec son enthousiasme et sa caméra. Une fois sur place, il va rapidement se rendre compte qu'il est arrivé dans un monde complètement différent de celui qu'il a toujours connu à New York. Parti avec la certitude que son travail allait permettre d'améliorer la vie de tous ces gens, il n'avait pas prévu que cette aventure allait à son tour avoir un impact profond sur ses propres convictions. Si le scénario et les personnages sont purement imaginaires, c'est bien plus qu'un simple récit qu'Aimé de Jong nous offre. C'est une saga illustrée qui a le mérite de se pencher sur un chapitre historique peu connu, même aux États-Unis. L'épisode du Dust Bowl, appelé aussi Dirty Thirties, fait référence à cette décade de sécheresse ayant sévi pendant les années 30 dans la région des Grandes Plaines. Les conséquences ont été désastreuses et se sont fait sentir jusque dans les années 50 dans les États touchés. Des millions d'hectares de terres ont été rendus impropres pour l'agriculture, poussant de nombreuses familles à abandonner leurs maisons pour se lancer dans l'une des plus importantes migrations de l'histoire américaine, en quête d'une vie meilleure. Mais le livre aborde aussi d'autres thématiques comme le sens de la vie, la quête d'identité ou le rôle de la photographie dans la transmission d'informations. Celle-ci consiste-t-elle en la reproduction de la réalité ou n'est-elle que manipulation et duperie ? Faut-il attendre patiemment le cliché parfait ? A contrario, dans quelle mesure aider un tant soit peu la réalité ne s'apparente-t-il pas à de la tromperie, même si cela est fait avec de bonnes intentions? La réflexion de John s'enrichira et évoluera au fil de ses aventures et de ses rencontres. Justement, des photos d'époque illustrent chacun des 8 chapitres, et en fin d'ouvrage, un dossier donne quelques explications complémentaires. Classique, les dessins sont grandioses, rehaussés de couleurs superbes. L'auteur utilise aussi les codes cinématographiques en jouant avec les cadrages, en passant du plan large au gros plan, en passant par les portraits et les paysages. Les tailles et en jouant donc avec les cadrages, les tailles et l'agencement des cases. Certaines mériteraient d'ailleurs d'être tirées en poster. En conclusion, eh bien, c'est une aventure poignante, magnifique, sur la forme comme sur le fond. On ne voit pas passer les presque 300 pages tant on profite du spectacle graphique, tandis que les inévitables pauses nous incitent non seulement à la compassion face aux déboires des protagonistes, qu'à une introspection éthique, écologique, sociale, politique ou économique. Même si le Dust Bowl a presque 100 ans, ces avertissements restent très actuels. Quant à ce vers quoi, nous fonçons à pleine vitesse à force de déboiser, de désertifier et de blesser notre planète à tour de bras. Voilà un très bel ouvrage coup de cœur qui s'appelle Le Jour de Sable. C'est sorti chez Dargo et c'est de la dessinatrice, scénariste Aimée de Young, un album qui fait presque 300 pages. Il en fait 288, qu'on vous conseille donc chaleureusement. Eh bien, poursuivons en musique avec Alan Thomas et un morceau intitulé Love's Way. Et puis après, eh bien, il faudra qu'on retourne avant 18h30 donc sur notre Powerplay, l'album Let's Die Together. L'album Let's Die Together du groupe The Smoking Flowers. You can't purchase love, it's a gift freely given. Makes no difference if you're lazy or driven. No matter if you're rich or poor, it's the only thing worth asking for. Love's way, love's way, always has the last say. Not up to you, it will leave or stay. That's the mystery of love. You're lucky if it finds you, unlucky if it don't. But you don't have a say if it will or it won't. And when it's gone, you can't get it back. Like the runaway race car knocked off the track. Love's way, love's way. Hope it lasts another day. You can't make it change or mold it like clay. Mystery of love's way. There's no saying how long it will last. It's fluid and unpredictable. No future, no past. You may wish to extend it till your dying day, but it's not in your power whether you cry, beg or pray. Love's way, love's way, always has the last say. Not up to you, it will leave or stay. That's the mystery of love. Understand. Win or lose, it's not in your hands. Love's way, love's way. Hope it lasts another day. Not up to you, be that as it may. The Mystery of Love, Alan Thomas, un morceau intitulé Love's Way. 18h18, retour pour le troisième et dernier extrait sur notre album Powerplay, suite et fin des aventures des Collins, Kim et Scott, alias les Smoking Flowers. Après donc le succès de la thérapie de Kim et sa victoire sur son cancer du sein, et après la sortie enfin de leur deuxième album Two Guns, le couple a mis tout son barda dans le coffre de leur vieille Volvo 240 et s'est lancé sur les routes des États-Unis et du Canada afin de faire la promotion de celui-ci, et tout cela pendant 3 ans. Fort de toutes ces expériences, le duo s'est lancé dans l'écriture et la composition de l'album qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, et il y a mis d'autant plus d'énergie et de pur rock, de punk et de blues. Il est indéniable donc que cet album est empreint d'une urgence non dissimulée. C'est un album qui veut être le témoin de leur triomphe, et leurs chansons dépeignent le tableau d'un couple qui s'est formé il y a déjà 21 ans, qui vit ensemble, qui écrit ensemble, qui joue ensemble et qui, plus important que tout le reste, qui ensemble aime la vie. Le disque Let's Die Together est sorti en juin 2018, a été suivi un an plus tard de son compagnon, de sa version acoustique, entièrement acoustique, sous le nom de Snowball Out of Hell. Les influences du groupe vont de Led Zeppelin à Gillian Welch, des Ramones à Neil Young. Pour la petite histoire, en parlant de Led Zeppelin, Kim avait postulé et passé une audition avec Robert Plant pour faire les chœurs sur son titre Band of Joy. Elle ne le savait pas à l'époque, mais Robert Plant avait écouté plusieurs de ses performances et appréciait beaucoup sa voix. Au final, elle n'a pas eu le job, mais c'est son ami Patty Griffin qui l'a obtenu. Au final, The Smoking Flowers, c'est l'histoire d'un couple qui s'est trouvé, qui a mis sa vie dans sa musique et qui nous laisse la porte ouverte pour y prendre part avec eux, et on les en remercie. Je vous rappelle le nom de leur album, Let's Die Together, le nom du groupe The Smoking Flowers. Leur site internet, c'est facile, thesmokingflowers.com. Et le troisième extrait qu'on va écouter aujourd'hui, ça s'appelle Rip It Off. Je vous ai mis, comme promis, la vidéo du morceau One Horse Town sur notre page Facebook, Planet Indie dans Facebook. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, on sera très heureux de vous y accueillir. Là pour l'heure, eh bien, on écoute donc ce morceau, Rip It Off, troisième et dernier extrait pour aujourd'hui de l'album Let's Die Together des Smoking Flowers. Power Play. Power Play. Out on a hot tin roof. Summer's Voilà, ça a remué un peu si vous êtes endormi au cours de cette fin d'émission. Avec troisième extrait de notre album Powerplay, Let's Die Together, Rip It Off par les Smoking Flowers. On va tout doucement se quitter, j'étais très heureux de passer ce début de soirée en votre compagnie. Je vous rappelle que cette émission sera rediffusée demain aux mêmes heures, 17h-18h30. Vous pouvez retrouver le podcast de cette émission sur notre site internet www.ilovemusic.gq, et puis vous le retrouverez aussi dans Facebook. Prochaine émission donc le 6 novembre, prochaine émission en français sur cette fréquence, et bien ce sera samedi prochain aux mêmes heures entre 17h et 18h. Avant de se quitter, je dois encore vous parler d'un webinaire qui est organisé par Culture LX avec des séances de questions-réponses, notamment sur les aides et les bourses pour les artistes. Comment en bénéficier? Suis-je concerné? Quel type d'aide pour mon projet? Ça se passera le 5 octobre à 11h en français et à 13h en anglais, une durée de 45 minutes. Pour plus d'infos, vous allez sur le site de Culture LX. Et puis il y a un autre séminaire, mais ce sera en présentiel, ça se passera à l'abbaye de Neumünster. Ce sera une introduction à la publication de documents et de présentations d'artistes. Ça se passera donc le 6 octobre entre 14h et 17h. Comment reproduire et documenter la création artistique? Quelle forme ou support choisir? Qu'est-ce qu'une bonne publication? Comment concevoir et diffuser une publication? Voilà, plus d'infos, eh bien vous allez sur le site de Culture LX et comme ça vous aurez tous les détails. On va se quitter avec un dernier morceau, cet extrait du tout nouvel album, dernier album d'un artiste prolifique et un artiste qui a écrit pour des grands noms. Ses chansons ont été interprétées notamment par les Eagles, Linda Ronstadt ou les Byrds. Là, il sort son dernier album en date solo, tout chaud, je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Il s'appelle Jackson Browne, l'album s'appelle Downhill From Everywhere. Eh bien, je vous propose d'écouter le morceau qui s'intitule A Little Soon To Say. Eh bien, moi, je vous dis aussi, je vous souhaite une bonne fin de soirée, un bon week-end, passez des bons moments dans ce mois d'octobre et je vous retrouve donc avec plaisir le 6 novembre pour notre prochain épisode, le numéro 435. Portez-vous bien et à bientôt. I came for inspiration. I came looking for grace and found my reflection in every passing face. And everyone who gathered, standing on that shore, searching the horizon, not knowing what exactly for. Searching the horizon for what we can't quite see. When all we've ever needed has been there all along inside of you and me. I wanna see you holding out your light. I wanna see you light the way. But whether everything will be alright, it's just a little soon to say. When time was on my side, too little information, too much time to decide. I took a couple wrong turns, it only takes you one to send you down a lifetime of wondering what you might have done. For a lifetime, for what you wanna see, when all we've ever needed.